Ces questions, extimité, intimité, sociabilité et les notions qu'on a vues dans les dernières séances à partir d'un cas récent qui s'est passé juste la semaine dernière et que vous avez peut-être certainement vu tourner sur les réseaux sociaux. Shifting sands in the region, do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. C'est la merde. My apologies. T'as déjà vu? The region. Ça aurait été tellement marre d'avoir une vidéo. De la Corée du Sud. Donc, interview vraiment très cadrée, politique, sérieuse, très formatée. Donc, sur la BBC, ça s'est passé en direct. Assez rapidement, c'est une vidéo qui a été republiée et qui a commencé à tourner. Et le journaliste de la BBC a joint le professeur en question, Robert Kelly, qui est devenu son honneur de gloire, pour lui demander s'il pouvait, avec la BBC, rediffuser ou diffuser en fait le clip donc, de son interview coupé par l'arrivée de ses enfants et donc la partager au nom de la BBC. Alors, comme vous voyez, la réaction du professeur, c'est de demander quelques précisions et de tout de suite associer ça à la capacité de viralité de Twitter, donc en demandant est-ce que c'est le genre de chose qui devient virale et qui devient un peu bizarre aussi, faisant certainement allusion au détournement qu'il y a après, notamment donc avec cet effet de mime, qui est qu'on va extraire donc, un petit bout vidéo et qu'après ça on va y rajouter les commentaires, on va mettre les oreilles de la part de quelqu'un, etc. Donc, petite crainte de la part du prof. Crainte fondée puisque effectivement la vidéo est devenue virale, notamment à travers les réseaux sociaux, et que suite à cette diffusion, il y a eu plusieurs questions, plusieurs commentaires qui ont tourné, notamment sur qui est la dame qui a surgi pour récupérer les enfants du professeur en question. Et je ne sais pas si vous avez suivi le débat qui a eu lieu sur les premiers commentaires en fait, qui sont sortis, qui ont été publiés sur cette vidéo, disaient « et voilà la nounou qui a surgi pour rattraper les enfants, etc. » En fait, de façon instinctive, plusieurs commentateurs, plusieurs journalistes en fait, ont affirmé que la dame était la nounou. Or, en fait, il se trouve que c'est l'épouse du professeur en question et que, comme c'était un présupposé, ça a commencé aussi à tourner le fait que c'était la nounou en question. Donc il y a eu après ça une correction sur la réalité que non, malgré ce qu'on peut penser à cause de préjugés ou autre, ce n'était pas la nounou qui est intervenue, mais bien l'épouse du monsieur blanc américain qui était la mère des deux enfants. Et ça ne s'est pas arrêté là. En fait, quelques jours après, la BBC a réinvité Monsieur Kelly en question, avec justement sa famille. It's pretty unreal. We didn't really expect any kind of attention. attention like this at all. We certainly never had anything like this in our life before. You know, got to the point where we had to turn off the phones and Facebook and Twitter and all that sort of stuff. We're pleased to come back to the BBC and sort of bookend this with you. Of course, we didn't get a chance to properly meet your family last time. It was under slightly different circumstances. So perhaps you can introduce your lovely wife and children now for us. This is my wife, Chung-Hak Kim. This is my son, James Yusuf, whose Korean name is Yusuf, and this is my daughter, Marion Yina. Well, it's very nice to meet you properly and be able to talk to you rather than just see you running around in the background. Chung-Ha, how's it been for you these past few days? It was a little bit stressful, but we have time to handle it. We are fine. Better. The reality is, of course, is that at least for sort of 24, 48 hours, you were the most famous family in the world. Yeah, we didn't anticipate really anything like this at all. We got all kinds of sort of commentary and feedback and stuff like that. I had some woman write to me and ask me about, was I a psychic? Did I see special numbers in the sky and stuff like that? I mean, we just got this massive wave of email and solicitation and stuff like that. So the people in the media and stuff like that, we didn't respond to. We apologized if it was sort of seemed like stonewalling. We just didn't know how to respond. We didn't really know. We never had anything like this before. And when you watched it back, which I'm sure you did straight afterwards, could you appreciate just what a sort of perfect piece of physical comedy it was, unwittingly? Yeah, no, we did. We did. And then we watched this multiple times too, and our families have watched it as well. And everybody you know seems to think it's pretty hysterical. Yeah, so we understand why people find it enjoyable and for catching a regular family off guard as well. So yeah, it was a fun to meet you. And of course, Chung-Ha had a major role in making it so funny, flying about the room and trying to retrieve Marion and James. Did you find it funny when you watched it back? Yeah, we were worried actually that the BBC would never call us again. Actually, that was actually our first response, was for mortification that we had just sort of completely blown our relationship with you. Well, here we are again, anyway. Alors ça c'est la boucle en fait, donc autour de ce cas qui est vraiment parti d'un imprévu total en ligne, qui donc a donné lieu à un phénomène viral de reprise et de diffusion en fait de façon très ample sur les médias sociaux, qui a fait en sorte que le média traditionnel, la BBC, a réinvité le prof en question, mais cette fois-ci avec toute sa famille en fait, pour finalement plus du tout l'interviewer sur la situation sérieuse en Corée du Sud, mais sur sa femme, ses enfants, et je me suis arrêtée là parce que c'est une interview qui dure 10 minutes, mais les minutes qui suivent, l'intervieweur demande à l'épouse en question « Qu'étiez-vous en train de faire au moment où les enfants sont arrivés dans la pièce? Comment ça s'est passé? Comment êtes-vous arrivé en courant ?» Enfin bref, une interview qui n'a absolument rien à voir en fait avec la première interview sur un sujet extrêmement sérieux, politique, etc. Et là donc un cadrage vraiment sur la famille du professeur en question, qui n'avait pas du tout prévu d'être exposé, qui n'était absolument pas médiatisé au départ, qui ne cherchait pas du tout à l'être. Et ce que dit l'épouse d'ailleurs, c'est que les enfants ont pu rentrer dans le bureau de son mari parce qu'elle était en train d'enregistrer sur la télé l'interview, et qu'en fait, du coup, elle a perdu de vue les enfants quelques secondes, et elle les a vus sur l'écran apparaître dans le bureau. Et que là, en fait, le premier réflexe a été de courir et de les rattraper pour que coûte. Mais que donc, c'est complètement... Et donc, bien sûr, si vous avez vu circuler un peu cette vidéo, dans les commentaires, ce qu'on voit aussi, c'est une mise en scène faite par la BBC, la famille, etc. Mais apparemment, enfin, ce prof-là, il a un poste vraiment tout à fait classique de prof en Corée du Sud de sciences politiques, et il n'est pas du tout dans le divertissement, le montage de sketch, quoi, etc. Donc c'est vraiment un accident en fait qui leur est arrivé, mais ça leur a valu d'être réinvité que comme ils le disent, l'une de leurs premières réactions, ça a été de se dire, ben, on a complètement saboté en fait notre passage, qui est quand même une reconnaissance absolue en tant qu'expert d'être invité sur un plateau de la BBC. Et là, donc, le prof, il s'est dit, ben, voilà, c'est la fin de ma carrière médiatique, on ne me prendra plus jamais au sérieux. Et finalement, on lui a accordé, alors que là, c'était une interview de 3-4 minutes sur la Corée du Sud, on lui a accordé quasiment 10 minutes pour juste finalement qu'il montre ses enfants qui sont en train de jouer et de faire peut-être des enfants, finalement, sans aucun cadre, sans aucun contrôle. Donc c'est ici par rapport au phénomène qu'on a vu dans la dernière séance, c'est vraiment une traduction en fait de ce phénomène viral qui peut absolument survenir à partir de n'importe quel événement, et en fait quasiment n'importe quoi peut devenir un événement grâce à cette capacité de viralité, à cette capacité de diffusion instantanée et de réaction instantanée aussi. Donc je vous ai mis les liens en illustration aussi si vous voulez revoir ces vidéos. Mais en fait, par rapport à la thématique du cours d'aujourd'hui, c'est vraiment aussi une illustration de la façon dont on va accepter ou quasiment en fait être vraiment incité à dévoiler une part de son intimité, à s'exposer publiquement. Donc il y a... grâce au numérique, à ses caractéristiques viraux notamment, une incitation à donc, partager son intimité, à partager sa vie personnelle avec une certaine résistance ou une timidité ou une prudence face à cela. Le tweet du prof qui demande « Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement par partager ce clip ? Est-ce que c'est juste le partager par la BBC ou sur Twitter et est-ce que ça va devenir viral et complètement nous échapper ?» Il est un peu réticent et puis finalement, deux jours après, il est avec toute sa famille sur l'heure de grande écoute de la BBC, interviewé 10 minutes. Donc il y a aussi, sur le plan de la viralité numérique et du moins l'utilisation d'images qui sont rattachés à l'intimité, à la vie personnelle. Il y a aussi une habitude que l'on va avoir, en fait, une accoutumation que le public va avoir de se voir exposé dans ces dimensions privées, ou de voir les autres aussi exposer certaines dimensions privées de leur vie. Donc autrement dit, on va commencer à trouver ça normal, justement, qu'un prof passe avec ses deux enfants et sa femme dans son bureau qui était peut-être une chambre d'amis, parce que dans la vidéo originale, on voit que la petite fille, elle arrive sur le lit, elle fait tomber les livres qui semblaient avoir été disposés là pour faire un peu, c'est un bureau sérieux, mais en fait, on voit qu'il glisse et que c'était un matelas de secours qui est mis là. Donc, pour le coup, ils avaient vraiment essayé d'un peu cadrer les choses pour pas montrer que le prof, il se fait filmer chez lui dans son bureau à la maison, en fait. Et donc, il n'y a pas de code de l'université qui l'encadre de façon très formelle. Et là, en fait, quand il se représente, le lit, il a disparu. Le lit de la chambre d'amis en question, c'est une bibliothèque qu'on revoit. Mais par contre, donc, il accepte de présenter vraiment ses enfants par leur prénom. On les voit jouer. Enfin, on est vraiment dans... Ils sont même pas en costume ou ils ne se sont pas apprêtés de façon trop sophistiquée. Donc, ils ouvrent vraiment leur quotidien à une exposition publique et à l'œil du public. Et donc, on est un peu dans cette accoutumation que l'on va avoir, donc d'être exposé, de voir des parties de la vie personnelle, de la vie privée qui sont exposées. L'autre facteur ou l'autre dimension qui rentre dans cette exposition, c'est tout ce qui va être de l'ordre du jugement, mais je vois qu'il y a une question. Oui, je voulais demander, est-ce que c'est vraiment pour se sauver la face, justement? On peut voir ça aussi comme un sauvetage, ou comme une aide de la part de la BBC, c'est plutôt sympa, en fait, pour rétablir, pour permettre à la personne de s'exprimer. Parce que je ne sais pas si vous avez vu certains des commentaires, mais outre la question sur c'est la nounou qui est arrivée ou ce type de commentaires là, il y a aussi des commentaires sur visiblement agacé, le professeur renvoie ses enfants, donc on l'accuse quasiment d'être un mauvais père en fait. Donc c'est sûr qu'il y a pour lui une occasion en fait de rétablir sa figure publique et effectivement aussi d'un peu faire d'avoir une occasion de catharsis, donc de dire justement qu'il a eu peur, qu'il s'est inquiété, que bon, il a regardé ça avec ses amis, effectivement, il trouve ça plutôt drôle, mais que bon, enfin, c'était quand même un peu stressant. Et l'animateur l'accompagne en quelque sorte, effectivement, dans cette épreuve publique, qui est loin d'être facile. Et ça, c'est vrai que l'interview remet un cadre un peu à tout ça. Attendait. Par contre, comme il a un petit peu pu, dans cette interview-là, montrer que c'est pas un bourreau d'enfant complètement froid, etc., qu'il assume ce qu'il a fait, qu'il a été capable, en fait, en accordant l'interview aussi, la deuxième, il montre qu'il est capable de ne pas perdre la face, justement, parce qu'il accepte de parler publiquement, il accepte qu'on le filme et il continue le dialogue. Donc quelque part, ça montre que c'est quelqu'un qui est capable d'assumer en fait sa figure publique, même si là on l'interroge plus du tout sur ses compétences professionnelles. Hein. Donc c'est sûr que pour lui c'est plus tellement un gain parce que mettons dans une conférence, on va pas lui dire j'ai vraiment beaucoup aimé votre deuxième interview sur la BBC, mais par contre en fait il a réussi un peu à réparer. Peut-être la mauvaise réputation qu'il aurait pu traîner après. À la limite, là, c'est juste drôle. Et en espérant pour lui que ça ne va pas trop être détourné, ça devrait s'arrêter là. Parce que de toute façon, il va se passer autre chose qui va devenir viral, qui va reléguer ça. Dans deux semaines, on aura oublié qui c'était. Mais effectivement, c'est tout un enjeu par rapport à la face. De voir, là, deux jours avant, il était vraiment juste sur une face professionnelle. Prof, expert, invité, il parle d'un sujet très sérieux. Après ça, tout lui échappe complètement. Et deux jours après, en fait, il est le prof, mais surtout papa, qui était interviewé, stressé d'être interviewé, et qui finalement se montre plutôt sympathique, en fait, il montre ouvert aussi, et qui, quelque part, finalement, en baissant sa garde, répare un peu donc son image. Mais du coup, il a été obligé en 2-3 jours de jouer vraiment sur plusieurs faces en fait de sa personnalité publique, ce qui a dû être extrêmement stressant pour lui, ça c'est clair. Et il dit dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand le reporter, en fait, quand l'animateur plutôt lui demande donc comment est-ce qu'il a trouvé ça drôle aussi en revoyant la vidéo après coup, il dit oui, effectivement, j'ai bien vu le comique de situation qu'il y avait là-dedans, c'est plutôt hilarant, effectivement, ce qui s'est passé. Et c'est sûr que c'est drôle pour une télé d'avoir attrapé un moment du quotidien, un moment ordinaire, en fait, d'une famille ordinaire. Donc d'avoir pris, en fait, d'avoir capté comme ça, de façon complètement improviste, une famille qui ne s'y attendait pas dans un petit événement du quotidien qui était imprévu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu central dans ce cas-là, c'est que c'est pas lui qui s'est mis en scène, en fait. Mais par contre, après ça, il a dû collaborer finalement à une mise en scène autour de ça, y prendre part. Donc il y a cette réaction aussi au fait d'être exposé, qu'on va gérer de façon plus ou moins réussie. Avec là, effectivement, la réaction de la BBC est plutôt bienveillante. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des commentaires assez durs qui ont circulé, qui ne sont pas forcément évidents non plus à lire ou à gérer. Et surtout, donc, ces commentaires-là, ils sont vraiment le reflet aussi de cette caractéristique d'évaluer de s'exprimer, de donner une opinion sur un peu tout et n'importe quoi qu'offrent aussi les médias sociaux. Et c'est une tendance qui a été qualifiée, enfin, qui a été plutôt conçue comme étant, comme participant à ce qu'on appelle la société du jugement, c'est-à-dire une société dans laquelle on va chercher à classer les gens, à les noter, dans lesquelles on va aussi s'auto-évaluer, se noter soi-même, avec notamment donc, tout ce qui est sur les plateformes numériques de l'ordre du nombre, donc la quantité de contacts qu'on a, la quantité de j'aime qu'on récolte pour ce qu'on publie, la quantité de partage qu'il y a, etc. Donc tout cet aspect quantitatif en fait de soi qui existe, ça participe à cette société du jugement qui est aussi caractérisée par le fait que les gens vont donc donner une opinion tout de suite ou donner directement, vraiment exprimer publiquement leur interprétation d'une situation. Sous les articles qui sont parus par exemple dans Le Soir ou dans Libération, dans différents journaux en fait, de la presse internationale, on peut voir les lecteurs qui ont observé cette vidéo-là, qui vont réagir donc, spontanément avec certains « Oh là là, la nounou, elle a dû passer elle a dû se faire gronder après », ou d'autres qui disent « Le prof, il n'a pas l'air super content, il n'a pas l'air trop aimable ». Enfin, il y a vraiment des réactions très spontanées qui viennent juger, en fait, de la situation ou poser des jugements. Oui. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est pour continuer à ça, le fait qu'on va critiquer justement ce buzz sur cette simple vidéo, est-ce que c'est lié à la situation du jugement ou c'est ça à la voix ? Le fait qu'on critique la viralité, en fait, que ça prend Que par exemple, on puisse dire le soir, c'est vraiment triste que vous publiez quelque chose de cette nature-là. Mais en fait, votre exemple sur un commentaire critique qu'on ferait dans justement l'espace des lecteurs, enfin des commentaires dans Le Soir, c'est typique de la société du jugement. En fait, ce qui est caractéristique, c'est d'avoir un espace où on peut dire ça. Donc, les forums, par exemple, de commentaires à la fin des articles, c'est on ouvre la possibilité qu'il y ait des commentaires. Donc, et généralement, les commentaires, c'est comme quand on ouvre une discussion sur différents médias sociaux, quand on pose une question, c'est pas les gens. Enfin voilà, il peut y avoir des commentaires positifs aussi, mais il va y avoir aussi beaucoup de négatifs qui va sortir. Parce qu'il y a un espace public pour l'expression du jugement qui va être créé. Donc c'est l'espace public en lui-même qui favorise en fait, qui incite au fait de partager du jugement. C'est pas ça qui fait qu'il existe un mauvais jugement ou un bon jugement, et qui crée. Le fait qu'il y ait un jugement, il y en a toujours eu et il y en aura toujours, ça fait partie du fonctionnement humain normal, enfin, classique, et voilà. Mais par contre, c'est de donner de l'espace à ces expressions-là, en fait, spontanées, qui est plus caractéristique du numérique, plus récent, en fait. Et ce qui est caractéristique aussi, c'est l'instantanéité, on raccroche phénomène de viralité, qui fait qu'en fait, donc ça va aller très très vite pour que quelque chose devienne un événement, que ça fasse le buzz, que ça ait une conséquence, et puis que hop, on passe à autre chose. Et ce qui, cette caractéristique de l'instantanéité, si on la lie en fait à l'exposition de la vie privée, de la vie personnelle, etc., c'est ce que certains auteurs ont appelé la publication intime, in time, petit jeu de mots, pour rappeler en fait que c'est vraiment, donc c'est au moment précis, on montre, on dévoile vraiment une partie donc, de son intimité, de sa vie privée, de quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement avant ça envie de partager avec autant d'individus. Et le phénomène, enfin, le développement et maintenant le côté habituel de ce qu'on appelle l'autoproduction, donc autrement dit les selfies, ça s'inscrit exactement là-dedans. vous aviez justement pour aujourd'hui à lire, il y avait notamment le texte de Lorraine sur lequel on va revenir plus tard, mais vous aviez aussi un texte de Sibar à lire qui portait sur les relations amoureuses avec la communication numérique. Donc ce texte-là, il est en ligne sur UV. Et ce que je vous demande, en fait, il est en plein dans le même, il porte en plein sur les mêmes préoccupations, en fait, justement, de intimité, partage, de la gestion, en fait, de la vie personnelle et changement que le numérique, que la communication numérique a apporté à ces dimensions intimes. Donc, j'ai ici plusieurs questions sur ce texte-là auxquelles j'aimerais que vous réfléchissiez. Donc, ce que je vous demande, c'est, il y a quatre questions en fait, ça ce sont les deux premières, et ce que je vous demande, c'est de vous mettre par petite équipe, deux, trois ou quatre, selon comment vous êtes disposés dans la salle, et donc d'aller chercher dans le texte les réponses à ces questions. D'accord ? Donc, on va commencer par la première question. Vous vous concertez en petit groupe pendant quelques minutes pour une réponse, et après ça on fait un retour en collectif sur la question posée. Donc la première question, elle porte sur les facteurs qui, d'après l'auteur, contribuent au fait que les demandes et les besoins des individus dans la société contemporaine sont devenus flexibles et mouvants. Donc d'après l'auteur dans le texte, quels sont les facteurs qui ont contribué à ce que ces demandes et à ces besoins des individus qui sont en fait pour l'auteur des demandes et des besoins qui sont associés au lien social, au fait de se mettre en lien avec d'autres, qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus flexibles et mouvants ? Sachant que dans le texte, il y a les... Vous avez, donc vous pouvez aller reconsulter le texte qui est dans l'UV. En principe, je pense que la connexion marche bien dans cette salle. C'est dans la séance d'aujourd'hui. Je l'ai pas lu. Ah, ok. Une traduction des termes de l'emploi. Alors, première proposition de réponse, spontanément. Oui. Imagine les deux facteurs. Tout d'abord, celui qu'on a vu en plus, c'est le lien, contexte et enlacé globalement. Oui. Moi, j'ai plus vu les liens complexes comme une conséquence plutôt que comme une cause. Enfin, comme elle nous dit, une école c'est l'individualisme grandissant, et d'un autre côté, le fait que tout va plus vite au niveau de la vie sociétale et du oui. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui ont trouvé d'autres, d'autres éléments de réponse complémentaires par rapport à ça? Alors, effectivement, ça fait le point sur ce que l'auteur pose comme un peu contexte de la problématique sur laquelle elle travaille dans l'introduction. Et donc, elle développe en fait son argumentaire en plusieurs points, et notamment dans son texte, elle expose quelle approche théorique elle a suivie, et également, elle utilise des techniques méthodologiques particulières pour explorer justement ces, ces changements ou cette flexibilité des liens sociaux qu'elle veut observer en partie, et qui porte en particulier sur les liens amoureux dans le contexte de la communication numérique. Donc la deuxième question, elle porte plus précisément sur cet enjeu théorique et sur les techniques méthodologiques qu'elle a utilisées. Donc toujours à partir du texte, quelle est l'approche théorique et quelles sont les techniques méthodologiques sur lesquelles la recherche menée s'appuie. Et deuxième question en lien avec celle-ci, en quoi ces choix, donc les choix de l'approche théorique d'une part et des techniques méthodologiques choisies, sont-ils adéquats, donc pertinents, par rapport au phénomène qu'elle veut étudier, donc les relations amoureuses par rapport à la communication numérique. Donc vous avez la première grosse question que vous pouvez aller identifier dans le texte. Et la deuxième partie, c'est un peu en même temps un petit écho au cours de Méto aussi. Mais vous avez aussi, l'auteur explique aussi dans le texte en partie pourquoi ses choix. Et donc c'est un peu, je vais aussi donner un peu votre avis par rapport à ce qu'elle avance comme argument. D'accord ? Donc même chose, vous mettez en sous-groupe et prenez quelques minutes pour trouver des éléments de réponse. Je crois, attends, je vérifie. Donc en fait, elle utilisait les trucs exploratoires pour formuler des questionnaires plutôt structurés. Les semis, tu veux dire. Donc elle a, il a fait les premiers pour mettre au point les deuxièmes, c'est ça? Ah, moi j'ai pas compris ça comme ça. Attends. J'ai peut-être mal compris. Hein. Ouais, c'est output, c'est résultat, rendement. Voilà. Attends, oups. En gros, elle a transformé ses questions, mais je ne sais pas duquel, par rapport aux réponses qu'elle a eues. Je suppose par rapport à la première, en fait, c'est plutôt pour avoir ça serait plutôt pour avoir des pistes de recherche, et là, ça serait plutôt pour avoir des résultats concrets. Du coup, en fait, elle a utilisé les concepts de l'un pour les introduire dans le semi structuré. Mais c'est la même chose que semi. Je pense que ça va être ça. Okay. J'ai lu le bouquin qu'il a mis dans les notes. Enfin, le chapitre. Autre sera non. Dans les. Dans la bibliographie. Ah ouais. Et en fait, ils expliquent beaucoup mieux ça en fait. J'aime bien, on a introduit le thème, on le laisse de préférence en voyant. On aura préparé un guide avec le thème. En fait, on a des thèmes pour guider l'entretien, mais à la base, on laisse la personne parler dans le même. Ouais, non, ça c'est le. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Alors que là, tu poses vraiment des questions. Ouais, le directif en fait, c'est. Nous, ce qu'on va faire là dans le truc, c'est au caméra. Nous, c'est ouvert, donc ouais. C'est vraiment. Mais tu dois quand même faire des thèmes, tu vois. Ah oui, mais non, parce que moi j'ai fait des questions aussi. Ouais, tu fais des questions, mais enfin tes questions elles sont dans des thèmes. Tu peux pas que ça soit juste un questionnaire, enfin, que ça soit oui, pas. Parce qu'après ils se calquent sur. Alors, donc vous avez plusieurs questions qui vous ont été posées. La première, quelle est l'approche théorique sur laquelle on propose ce texte et quelles sont les techniques méthodologiques utilisées? Interview, entretien, oui, c'est la même chose. Et quel type d'entretien, oui? Justement par rapport au cours sur les entretiens, dans la typologie en fait, du type d'entretien ou d'interview que l'on avait abordé, il y avait justement les entretiens libres, qu'on dit également ouverts, les entretiens semi-dirigés ou semi-structurés, et les entretiens dirigés ou structurés. Les entretiens libres, qu'on appelle aussi entretiens en profondeur, Ce sont des entretiens dans lesquels, en gros, on veut aborder un thématique, par exemple, là, les relations amoureuses et la communication numérique. On choisit quelqu'un qui nous semble pertinent et potentiellement intéressant à interroger. On s'assoit, on dit, ben voilà, j'aimerais que vous me parliez de votre relation amoureuse et de votre utilisation des médias sociaux. Et on s'en tient pas mal à ça, en fait. Et après ça, on laisse la personne parler et de temps en temps, on va juste rebondir sur ce qu'elle dit. Par contre, donc, dans le semi-dirigé, ça veut dire que les auteurs ont justement utilisé les premiers entretiens très ouvertes pour essayer de dégager quels sont les types de comportements qu'on trouve, quels sont les problèmes rencontrés, etc. Et ils ont construit un guide d'entretien semi-dirigé dans lequel il y avait certainement la partie problèmes rencontrés, tensions créées, proximité, etc. Donc en fait, ils ont précisé certains thèmes particuliers qu'après ça, ils ont permis de diriger un petit peu plus l'entretien, mais en gardant des questions ouvertes, donc de type que pensez-vous, ou comment percevez-vous, comment utilisez-vous, etc. Oui. En fait, il faut les éviter au maximum. On peut, si on en a une de temps en temps pour vraiment préciser quelque chose parce qu'on n'est pas sûr d'avoir bien compris, ça peut arriver. Mais on essaye toujours, c'est pour ça que l'entretien semi-dirigé ou que l'exercice de l'entretien en général, c'est pas quelque chose de naturel. Et c'est pour ça qu'il faut préparer la tournure des questions un peu à l'avance en fait. Parce qu'il faut, automatiquement, on a tendance en fait à poser des questions où la réponse va être oui ou non. Mais là, en fait, il faut essayer d'éviter ça. Mais ça peut arriver, c'est pas grave. Ça ne doit pas être le maximum, en fait. Ça ne doit pas être le réflexe dans les questions qu'on pose. Et le fait, justement, que ce n'est pas naturel, c'est ça qui fait la différence avec un entretien journalistique, notamment. Donc, il y avait effectivement deux types d'entretiens qui ont été utilisés. Et sur le plan théorique, donc, l'auteur s'approche de ce qu'elle appelle la grounded theory, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi, en traduction en français, la théorisation ancrée ou la théorisation enracinée. Et c'est cette approche théorique-là donc, elle a été développée par deux auteurs. Glaser et Strauss dans les années 60. En fait, c'est une théorie qui est utilisée pour explorer de nouveaux sujets. Des sujets donc sur lesquels il n'y a pas d'autres théories qui existent déjà et on ne veut pas donc être dans l'hypothético-déduction, c'est-à-dire poser des hypothèses, vérifier, mesurer des choses. On veut vraiment explorer le sujet, donc on va sur le terrain, on observe ce qui se passe et faisant des points communs, par exemple, dans avec les entretiens qu'on fait, dans les comportements qu'on observe, etc., on va petit à petit catégoriser les choses, par exemple, avec justement les tensions qui sont rencontrées, au contraire, l'attachement, le désir qui va grandir dans la relation. Donc, on dégage des caractéristiques et petit à petit, on établit une théorie qui serait de dire, par exemple, dans le cas de la recherche de l'auteur, que les relations amoureuses via la communication numérique fonctionnent de telle façon. Elles donnent lieu forcément à telle tension, elles sont facilitées par telle chose. Donc on va petit à petit, en fait, donner des explications au phénomène qu'on a étudié. Mais au départ, on n'a pas de théorie en tant que telle, en fait, qu'on va appliquer. D'où le fait que ça s'appelle théorisation ancrée, grounded, parce qu'on s'appuie sur les données qu'on observe sur le terrain. Alors, cette approche justement théorique qu'a choisi l'auteur et ces techniques méthodologiques qui sont en fait des entretiens, mais des entretiens qui sont ouverts d'un côté et semi-dirigés de l'autre, en quoi d'après vous elles étaient et elles sont adéquates par rapport au phénomène que voulait étudier l'auteur? De voir quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Donc, de façon spontanée, est-ce qu'il y a des volontaires qui ont décidé sur la question? Sinon, je désigne un groupe. Alors, le groupe tout au fond, en haut, derrière. Oui. D'après vous, en quoi ce sont des choix qui sont adéquats ou pas? Ils sont peut-être pas adéquats. Oui, c'est vous. Une proposition de réponse. Alors, le groupe juste en dessous. C'est pas censé être une séance de torture. Non. Il y a des éléments qui ont déjà été un petit peu soulignés. Descend, on va à la gauche. Est-ce que de vous trois, si je ne connais pas mon prénom, est-ce que vous avez une idée sur la question? Oui, en fait, oui, votre groupe. Ah non. D'accord, la réponse est non. Mais la réponse est non, c'est pas adéquat ou c'est. Ah, vous n'avez pas la réponse. Alors, à gauche, en haut, est-ce que vous avez une réponse ou des éléments de réponse? Oui. D'accord. Alors le groupe en dessous. Alors vous. Oui. Oui. Et l'approche théorique dont on vient juste de parler est adaptée. Oui. Alors, la théorisation ancrée, donc c'est une façon d'étudier un phénomène qui est nouveau, sur lequel il n'existe pas encore de théorie, où on va aller, donc c'est essentiellement qualitatif, donc ça part du principe que déjà il n'y a pas de théorie existante. Donc il va falloir, l'objectif ça va être d'en créer une en fait. On va aborder le phénomène avec du qualitatif, c'est-à-dire essentiellement des entretiens, ou de l'observation, on va aller voir, on va aller dans une famille, passer quelques temps pour voir comment ça se passe, ou on va voilà, passer des vacances avec quelqu'un pour voir comment elle correspond avec son amoureux, etc. Et en fait, donc on va par l'observation, par l'entretien, essayer de dégager des tendances, donc des catégories particulières, pour expliquer le phénomène et pour créer une théorie. Par exemple, dans le cas du phénomène ici du texte, les relations amoureuses et la communication numérique, dans le texte, l'auteur dégage notamment qu'il y a des tensions, mais qu'il y a aussi des rapprochements qui sont possibles, en fait, qu'il y a des caractéristiques vraiment de la relation amoureuse spécifiques à l'utilisation de la communication numérique. Ce n'est pas pareil que quand on s'écrivait des lettres. Ce n'est pas pareil que quand on n'utilise pas Skype, WhatsApp, etc. Donc, ces spécificités-là vont faire en sorte que petit à petit, elle va élaborer une théorie, ou du moins elle va théoriser, c'est-à-dire elle va montrer quels sont les concepts qui vont apparaître par rapport à la situation. Donc, le fait, par exemple, que pour elle, donc une situation amoureuse, une relation amoureuse qui utilise la communication numérique sera forcément marquée par des tensions ou au contraire par une plus grande compréhension, par de la proximité différente, etc. Donc ces éléments-là qu'elle va avoir observés vont former sa théorie qui est de proposer un modèle en fait de la relation amoureuse via la communication numérique. Donc, dans cette perspective-là, deux théorisations ancrées. En quoi le choix de cette approche vous paraît-il pertinent, adéquat, vu le sujet sur lequel travaillait l'auteur? Ça fait le point sur le fait qu'effectivement c'était par rapport au sujet choisi, une approche théorique qui était pertinente, il aurait pu y en avoir d'autres, mais c'était une façon d'aborder la chose qui était de dire justement, on part du fait qu'on connaît des choses séparément sur les relations amoureuses, sur la communication numérique, mais pour l'instant les deux n'ont pas été croisés, donc on part un peu à neuf et on va plutôt recueillir les perceptions, les expériences des utilisateurs pour après théoriser ce que ça veut dire scientifiquement parlant et socialement parlant que de développer une relation amoureuse via la communication numérique. Et effectivement, les entretiens étaient particulièrement adéquats ici aussi. Ok, il y a deux possibilités. Soit on continue et on finit un peu, on finit avant l'heure, soit on prend la pause maintenant et on finit à 4 heures. On continue. Et à quelle heure on va finir? Ça dépend de la participation aux questions. Mais on va finir au moins un quart d'heure plus tôt, si ce n'est entre la demi et moins le quart. D'accord? Ça vous va? Donc on continue, comme ça on finit plus tôt. Oui. Alors, quels sont les changements et les problèmes qui ont été engendrés ou qui sont engendrés par la communication numérique, tel que le montre le texte? Est-ce qu'il y en a qui ont des éléments à ajouter? Enfin, c'est de façon exhaustive. Mais effectivement, il y a l'angle vraiment de l'omniprésence qui devient quasiment exigée ou qui devient attendue. Dès qu'on voit que l'autre est en ligne, bah, on s'attend à ce que potentiellement il nous réponde. Donc ça crée des attentes aussi. Il y a le fait qu'on peut surveiller, donc cette idée de surveillance en fait, de ce que font les autres, et qu'on s'habitue à le faire, sans forcément être mal intentionné, mais c'est juste que ça nous en offre la possibilité, que ça devient un peu une sorte de réflexe. Et que donc ça peut créer des frustrations, parce que justement, ben, on voit la personne qui est connectée, on lui envoie un message, on voit qu'elle ne le lit pas, mais pourquoi elle ne le lit pas? Enfin, il n'a pas lu mon message. Et donc, c'est source de tension potentiellement dans la relation. Et l'auteur lit ça, donc, fait une association entre ça et l'idée de désir et l'idée donc d'attente qu'on a envers l'autre. Donc, le côté justement instantané, qu'on peut être, on est censé pouvoir nous répondre instantanément, on est censé pouvoir communiquer tout de suite. fait en sorte qu'on a des attentes dans ce sens-là. Et donc le temps, le rapport au temps aussi va changer. Alors c'est un texte qui avait été publié en 2013. Il n'y a pas si longtemps, mais comme les choses évoluent très vite dans le numérique, est-ce que d'après vous, donc là c'est vraiment d'après votre expérience, d'après votre connaissance et votre vécu aussi, ou ce que vous avez pu observer dans vos entourages, est-ce qu'il y a eu, d'après vous, des changements par rapport à ce que l'auteur avait pu observer il y a 4-5 ans, en fait, quand elle avait conduit son étude? Est-ce qu'il y aurait des nouveaux problèmes ou est-ce qu'il y aurait des nouvelles facilités par rapport à la communication numérique aux relations amoureuses? Oui. Moi, je dirais plutôt que le problème qui existait déjà à l'époque s'est amplifié. Disons que ici, comme ça a été cité, le fait de voir qu'une personne est en ligne et qu'on lui envoie un message qu'elle ne répond pas, ça s'est vraiment amplifié vers tous les réseaux. À l'époque, c'était peut-être juste sur WhatsApp, disons, et que maintenant, c'est vraiment sur dans une ère de contrôle permanent. Aujourd'hui, c'est plus seulement limité sur une plateforme, mais c'est vraiment omniprésent. Donc, on est quasiment, on est contraint à vouloir contrôler tout et tout le temps. Il y a deux éléments, oui. Oui, dans la même ligne d'idée, je dirais que la communication a rapproché les gens visuellement et les a séparés physiquement. Ça aussi créer un gap dans la confiance parce que les gens sont permanemment en train de se suivre, comme elle dit, et du coup personne ne fait plus confiance à l'autre. Il suffit qu'on vous voit connecté, peut-être vous êtes du coup, bien vous êtes au cours par exemple, vous ne pouvez pas répondre, et du coup la suspicion naît de l'autre côté, ça engendre des conflits qui ne pouvaient pas exister avant l'année. Donc plus de plus de méfiance. Alors, mademoiselle, oui, il y a aussi la validation. Et maintenant, c'est plutôt parce qu'on signale directement qui est la proximité et en ce n'est pas le cas, on peut avoir un petit peu l'autre. Parce que parfois, on n'a pas spécialement envie que tout le monde sache où on est. Donc, plus de contrôle, peut-être plus de volonté de contrôler les choses, parce que plus de possibilités de faire, plus de méfiance, plus de géolocalisation, donc plus de moins en fait de discrétion ou d'intimité peut-être aussi, et plus de faux partage, donc moins de partage interactif, de collectif, mais plus d'exposition en fait, plus d'exposition de soi et moins de partage de ce que l'on vit. Oui. Je ne sais pas si c'est moi qui ai appelé, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi la dimension en fait, fiche qui n'était pas assez trouvée dans cette histoire-là. Les dangers, est-ce qu'une relation longue distance ou qui n'est construite à partir de du numérique. Du numérique, est-ce que ça emmène aussi, et ça peut nous dire. Et alors aussi peut-être le fait, enfin, je suis partie un peu trop loin, je pense, mais parce que là, ça se juste basé sur la relation, les relations amoureuses. Mais au début du texte, j'ai vraiment vu un parallélisme entre des relations amoureuses et les relations que certaines célébrités du web, ce qu'ils ont avec justement leurs followers. Cette dépendance d'avoir toujours un retour dans les deux sens, que ce soit de la personne, de la célébrité, vers ses followers, ou des followers qui veulent savoir un peu tout ce qui se passe dans la vie de la personne qui suit. En fait. Je ne sais pas si j'étais un peu trop loin, mais ça va. Mais il y a effectivement, enfin, par rapport aux relations entre célébrités ou personnalités publiques et fans, les fans sont étudiés vraiment de façon ethnographique et sociologique de façon sont assez spécifiques, il y a une forme d'attachement qui est très proche en fait de la relation amoureuse, parce qu'il y a vraiment des exigences en fait, une sorte de contrat de communication entre les deux qui font qu'effectivement on s'attend à ce que la personne qu'on suit s'expose en permanence et partage les choses, et que on s'attend également, et elle s'attend aussi à ce que ce qu'elle fait soit apprécié, valorisé, etc. Donc il y a un côté un peu donnant-donnant qui est présent, et ça ressemble effectivement un peu à cette création d'attente qui était soulignée dans le texte. Ça va effectivement un peu dans le même courant d'idée, tout à fait. Donc ce texte-là, il s'appuyait sur les relations amoureuses en particulier. Le deuxième texte que vous avez à lire, qui est aussi en ligne, c'est un texte de Serge Tisseron, qui, lui, en fait, travaille sur l'idée d'extimité. Alors, la notion, le concept d'extimité, c'est un concept qui vient de la psychanalyse, de Jacques Lacan en particulier, et que Tisseron a repris pour l'utiliser, en particulier pour décrire, en fait, ce qu'il observe par rapport à notre utilisation des médias sociaux et par rapport aussi donc à comment nos interactions peuvent changer ou nos comportements peuvent changer via ces médias. Donc ici aussi plusieurs questions que je vous demande de traiter en petit groupe, auxquelles je vous demande de réfléchir en petit groupe en vous reportant au texte. La première question, elle porte vraiment sur le début du texte en fait, et sur l'objectif que se donne Tisseron, c'est, d'après vous, quand vous lisez le texte, quand vous lisez au moins le début, quelle est l'hypothèse de départ du texte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il postule au départ comme, comme problème ou comme objectif à se donner? C'est vraiment dans les deux premières pages du texte. Question de réponse. Oui. J'ai un petit défi, en fait, si souvent on dénonce Internet comme un lieu de mensonge ou de mise en scène, en fait, je peux faire la réalité. Ça, ça peut être sur un être humain, on peut chercher une forme de cachetée. Paradoxalement, on peut quand même trouver une forme de cachetée. De... En fait, c'est exactement ce que je voulais que vous. En particulier, c'est cette idée que donc Tisseron souligne qu'on dit souvent que Internet c'est un endroit où on se met en scène, où donc il y a de la manipulation de soi, de son image, et donc c'est un endroit de mensonge. Mais pour lui, en fait, dans sa réflexion, c'est aussi un endroit où justement on va pouvoir trouver des traces authentiques de soi. Alors c'est des deux, en fait, la réalité, c'est un mélange complexe en fait un peu des deux. C'est que oui, on se met en scène. Oui, parfois on construit une image de soi qui est peut-être pas tout à fait, qui est un peu romancée ou qui est peut-être un peu embellie, mais il n'empêche qu'il y a des traces authentiques de qui on est ou de la façon dont on réagit envers les autres. On va y revenir un petit peu plus tard, mais il y a donc pour lui un paradoxe entre d'un côté le fait qu'on critique Internet parce qu'il y a de la mise en scène du mensonge, et de l'autre côté pour lui, c'est aussi un lieu donc, où on peut être vraiment authentique, où on peut observer des réactions fortement authentiques de la personne. Deuxième question, dans son texte, Cicéron fait également allusion à des phénomènes de tyrannie. Alors, il y en a deux sortes qui soulignent en particulier. On vous demande de trouver dans le texte quels sont les types de tyrannie auxquels il est fait allusion. Ça va être, en fait, on va voir un peu après par rapport à ce qu'il nomme l'extimité et l'empathie extimisante, c'est que dans ses interactions avec les autres, on va se comporter d'une certaine façon qui va être révélatrice de notre personnalité, de comment on est. Même s'il va y avoir un peu de mise en scène, on va suivre les autres, on va s'adapter, mais il va y avoir des traces, effectivement, qu'on peut qualifier d'implicites, ou en tout cas qui vont, sur le, au fur et à mesure, des traces qu'on laisse. On va construire quand même un soi qui est aussi authentique, qui est en partie fabriqué, mais qui est aussi révélateur de ce qu'on veut. Donc, quels sont les types de tyrannie auxquelles le texte fait allusion? Oui? Je ne suis pas sûre d'avoir tout à l'heure dit, mais il y a la tyrannie de la visibilité. Et ça, je pense que c'est lié à l'injonction de la visibilité. Et la tyrannie de l'intimité. Et ça, je ne suis pas sûre d'avoir tout à l'heure dit, mais c'est que on doit tout séduire dans nos rapports sociaux et dans notre vie, on met notre intimité en scène, peut-être, pour justement séduire les autres, pour construire des relations sociales, et puis du coup, on construit nous-mêmes notre propre prison, parce qu'on séduit justement à... Oui. Est-ce qu'il y a une autre proposition de réponse, ou des nuances, ou des précisions que certains souhaiteraient apporter? Donc, retenez qu'il y a deux types donc, de tyrannie auxquelles on peut faire auquel on peut penser, donc quand il est question de extimité, c'est d'une part donc, cette tyrannie de la visibilité, enfin ça c'est Cicéron qui l'appelle comme ça, tyrannie, mais on l'avait vu aussi sous le titre injonction de visibilité, ou lutte pour la visibilité, qui est qu'on est incité à être tout le temps visible. Donc même si on n'est pas là, il faut qu'on ait un profil qui existe, un profil LinkedIn, il faut qu'on ait une page machin, un compte ceci. Donc il faut tout le temps qu'on ait l'impression d'avoir une identité ou une figure publique qui existe sur le monde numérique. D'autre part, il y a donc aussi ce que Cicéron appelle la tyrannie de l'intimité, qui est cette injonction à dévoiler en fait des parties personnel ou des parties de sa vie privée. Et ça, en fait, pour justement donc, séduire autrui, on peut parler de séduction, mais on peut parler aussi de attractivité, donc pour être attirant, pour en fait être intéressant pour les autres, pour faire en sorte qu'on ait des abonnés, qu'il y ait des gens qui nous demandent en contact, etc. Donc ça, pour Tisserand, ce sont deux phénomènes, deux tendances en fait, qui vont faire en sorte que ça va nous pousser en fait, à avoir des comportements qui ressortent de ce qu'il appelle l'extimité. Alors, justement, c'est l'un des enjeux du texte, définir ce qu'est l'extimité. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et Tisserand le mentionne aussi dans le texte, c'est un concept qui vient de la psychanalyse de Jacques Lacan, et donc Tisserand a repris pour l'appliquer plus spécifiquement à la communication numérique, aux médias sociaux. Donc, d'après ce que vous lisez dans le texte, et Tisserand a un passage particulier dans lequel il le fait, quelle est la définition de l'extimité que donne l'auteur et de quoi il distingue l'extimité. En fait, il fait en gros la distinction entre extimité et d'autres concepts. Donc, qu'est-ce qu'il utilise comme autre concept pour distinguer l'extimité? Est-ce que c'est pour une question sur la question ou pour une réponse? Ah, ok, mais on va attendre que tout le monde ait le temps de se pencher sur le texte. Donc, prenez quelques minutes en groupe pour trouver dans le texte la définition de l'extimité. Et également pour donc voir par rapport à quoi l'auteur la définit. À quoi il l'oppose et de quoi il la distingue. Alors, opposition au conformisme et aussi donc fragments de soi que l'on va exposer. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui, ici. Je ne sais pas si j'ai entendu la fin, mais je ne comprends pas très bien ici. Avec le fragment de soi, tu peux poser la question de la fin de ton activité, parce que c'est ça. Non, justement. Donc, afin, effectivement, c'est donc l'exposition de fragments de soi afin d'être validé par les autres. C'est-à-dire qu'il y a une recherche aussi de reconnaissance. Donc on veut valider son existence, on veut que l'autre donc reconnaisse le fait qu'on existe. Ça ne veut pas dire forcément nous reconnaisse de façon extrêmement positive ou quoi. Ça veut juste dire, en fait, il prend acte du fait qu'on existe numériquement. Et l'extimité, en fait, d'après Tisserand, c'est fait aussi de ça. Donc c'est, d'un côté, on expose des fragments de soi que d'habitude on garde avec nous, ou pour notre entourage très proche. Et d'un autre côté, on le fait parce qu'on cherche une validation sociale. Et effectivement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que donc pour Tisserand, l'extimité, ce n'est pas la même chose donc, effectivement, que le conformisme, comme le signalait votre collègue. Parce que donc, ce n'est pas qu'on veut absolument ressembler à l'autre et on fait tous pareil, on fait tous tout de la même façon sur le numérique. Mais c'est plutôt qu'on va en fait opérer, en fait, on va agir en dévoilant donc, des bouts de soi plutôt intimes, mais chacun va ajuster ça, en fait, un petit peu à sa manière, mais en renonçant, en fait, à une partie de son intimité. Mais chacun va le faire d'une façon différente. Donc, pour lui, on ne devient pas des clones, en fait, parce qu'on a ce comportement-là, mais par contre, on cherche une validité sociale. Je crois que ça n'a pas été dit, mais il oppose ça aussi à l'exhibitionnisme. Oui. Si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûre. Il fait la différence entre les deux, parce que l'exhibitionnisme, c'est juste montrer des parties de soi, alors que lui, il dit que dans l'extimité, on montre des parties de soi, comme on a dit, pour au final avoir un reflet aussi de soi-même. Enfin, oui. Pour avoir une représentation de soi-même, alors que l'exhibitionnisme, c'est juste se montrer... Oui, effectivement, donc il y a la distinction entre d'une part donc, l'extimité et le conformisme, et distinction entre l'extimité et l'exhibitionnisme. Ce qu'on aurait pu penser être plus fortement, en fait, quasiment synonyme, parce que donc il y a cette injonction à se montrer, on s'expose, on se dévoile, mais pour Tisserand, en fait, dans l'exhibitionnisme, il y a ce fait qu'on se montre aux autres, point final. C'est un peu, dans sa définition, en fait, un acte gratuit où on va donc s'exposer aux autres, tout simplement. Mais dans l'extimité, dans ce que lui appelle l'extimité, il y a le fait qu'on se montre aux autres pour valider justement le fait qu'on existe, pour valider le fait qu'on a une représentation sociale qui existe. Donc en fait, on cherche de la reconnaissance, qui n'est pas le cas pour lui dans le phénomène d'exhibitionnisme. Donc il fait la distinction entre les deux, retenez que donc, dans la définition, c'est une nuance qu'il apporte, qui est spécifique. Dans l'extimité, il fait en particulier, ou à partir de ses réflexions sur l'extimité, de ses observations, il fait en particulier une association avec le terme, avec la notion d'empathie, et il utilise notamment l'expression empathie extimisante. Alors, c'est une expression qu'il utilise à la page 86, précisément, du texte. Et en fait, ce que je vous demande, c'est en relisant rapidement l'extrait où il en parle, d'essayer de trouver par vous-même, dans votre expérience, dans votre pratique des médias sociaux, dans ce que vous observez sur les médias sociaux notamment, essayer de trouver au moins un exemple concret de ce type d'empathie qu'il appelle extimisante. Une réponse rapidement. Est-ce que vous avez trouvé au moins un exemple concret donc, de ce que Tisserand évoque par le terme d'empathie extimisante? Oui. entendu le début par exemple et... parce que oui il y a de l'empathie c'est pas forcément caractéristique de quelque chose d'extimisant parce que ça dévoile pas beaucoup, cependant ça s'en rapproche un peu parce qu'on dévoile quand même une partie de son réseau où souvent elles le font en des termes très affectueux très quasiment presque de l'ordre de la confidence parce que c'est elles dévoilent quasiment leur lien d'amitié ou de la façon dont elles en parlent, en tout cas c'est ça, donc c'est dans l'esprit. Un autre exemple. Je pense que c'est un peu plus qu'un quand un couple se tag dans une photo sur Instagram. Alors ça c'est extrémisant, c'est sûr. Et en fait le côté empathique, ça dépend de la nature de la photo en fait. Mais dans l'intention, c'est sûr que souvent c'est ça parce qu'en fait ils veulent mettre en valeur en fait l'autre. Il y a un phénomène sur Instagram où les gens se concentrent sur la publicité et il y a souvent des groupes hyper fiers sur Instagram et donc le fait du stag c'est de l'empathie c'est de la business empathie stimisante, on peut appeler ça comme ça. Mais effectivement, on peut voir un côté empathique dans le fait que les deux personnes, en fait, vont vouloir se mettre en valeur par rapport à ce qu'ils ont vécu ensemble. Le fait que ce soit un couple, ils étaient à un même repas, ou je ne sais pas quoi, et là, ils vont se taguer. Ou ce que font, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi la promotion du film Rock'n'Roll de Marion Cotillard et Guillaume Canet. Ça pourrait s'inscrire dans cette vague-là, en fait. Une proposition là. Je suis pas sûre que ce soit extrémisant pour ce soit peur de l'anonymat, mais tout ce qui est les blogs et les forums où quelqu'un va dire il y a tel problème, quelqu'un d'autre va lui répondre oh, mais moi aussi je comprends, j'ai aussi tel problème, et la personne, même si c'est sous un pseudo, expose sa vie et dit qu'elle aussi a besoin de plus. Et tout ce qui va être en fait de l'ordre des forums, effectivement, d'aide, de conseils. Autour de soucis, enfin de questions psychologiques, questions de santé, tout ça, ça va faire partie d'une empathie extimisante. Parce qu'on va souvent dévoiler en fait, une expérience que l'on a vécue soi-même pour aider l'autre personne, pour dire qu'on la comprend, pour lui dire, bah, écoute, moi, dans mon cas, il y a ça qui a marché, ça qui n'a pas marché, et tout ça. Donc en fait, on va bâtir une relation alors qu'on ne se connaît absolument pas au départ, mais autour d'un enjeu qu'on va comprendre parce qu'on se projette soi-même dans cet enjeu-là. Oui. Mais justement, sur les forums, on pose une question pas dans le but d'être validé, forcément. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'il appelle validation sociale, c'est pas forcément le fait qu'on va être d'accord avec nous. C'est le fait qu'on va avoir une existence. Mm-hmm. C'est qu'on nous valide socialement dans le sens qu'on nous dit tu existes, et donc par exemple quelqu'un qui n'a jamais osé se confier sur une difficulté qu'il a vécue, une épreuve qu'il a vécue, va aller se confier quelque part parce que sous couvert d'anonymat, et quelqu'un qui va lui répondre, alors ça veut dire qu'il a le droit d'exister avec ce problème-là socialement aussi. Et donc c'est vraiment, il n'y a pas chez Cicero ce côté validité au sens de supérieur, de qualificatif, de bonification en fait, plutôt au sens de l'existence, reconnaître l'existence de quelqu'un. Et peut-être un dernier exemple juste dans cet esprit-là, quand les personnes par exemple qui vivent un deuil, qui sont des connaissances, d'une connaissance, d'une connaissance, mais à qui on voit des gens souhaiter toutes leurs condoléances, etc. sur Facebook, alors qu'on sait très bien qu'elles ne se sont même jamais croisées. Mais ça fait partie de l'empathie extimisante parce que on va même voir des gens qui disent bah, ça m'est arrivé l'an dernier, je comprends ce que tu traverses, bon courage, et puis l'autre personne va répondre merci pour ces pensées, alors qu'en fait il n'y a même pas eu d'interaction avant ça entre ces personnes-là. Mais ça c'est des exemples en fait typiques aussi d'empathie extimisante que favorise les espaces numériques. Et donc, pour conclure, justement, ce que favorisent ces espaces numériques, c'est notamment des formes de socialisation qui sont liées à, d'abord, un apprentissage, c'est-à-dire on apprend ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire dans les espaces numériques. On s'adapte à des normes caractéristiques des espaces numériques. Le fait que, justement, on peut présenter ses condoléances à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Qu'on a le droit de se mettre un peu en scène, qu'on a le droit de donner notre jugement. Et également, on va s'intégrer et intégrer, on va s'intégrer à des groupes, on va s'intégrer à des communautés qui nous ressemblent, mais on va aussi intégrer des normes particulières. Du fait que ben, je suis sur Twitter, je dois utiliser tel hashtag, je suis sur Instagram, je tag telle personne systématiquement, si j'ai pris cette photo, si j'oublie de taguer une personne, elle va se vexer parce que ça veut dire que justement, je ne valide pas son existence sociale numérique. Donc il y a toute une sorte de code de socialisation, de lien social qui se développe, que l'on va éprouver à travers les médias sociaux. Et le numérique en général. Donc on va intérioriser plusieurs dimensions qui sont caractéristiques de la socialisation et qui sont notamment donc des modèles culturels, des valeurs, des normes, des codes symboliques et des règles de conduite. Ces cinq dimensions, elles sont caractéristiques de la façon dont on socialise, c'est-à-dire dont on entretient, dont on développe des interactions avec les autres en société. Ça veut dire que pour pouvoir interagir socialement, on doit connaître des modèles culturels, ou du moins s'y intéresser. Donc quand quelqu'un est différent de nous, ou a des modèles, des référents ou des valeurs différentes, on doit accepter qu'on est dans une certaine différence, mais en même temps, on doit aussi faire... On ne doit pas couper le dialogue nécessairement parce qu'il y a cette différence. Donc il faut être conscient des différences et en même temps intérioriser qu'il y a certaines normes à respecter pour pouvoir socialiser, conserver un lien social. Mais il y a aussi des règles de conduite et sur le numérique, les règles de conduite, c'est notamment ce qu'on va appeler la netiquette, donc l'étiquette du web, qui vont faire en sorte qu'il y a des choses qui vont être permises et d'autres qui ne sont pas permises ou pas recommandées. Par exemple, si je publie un post tout en majuscule pour m'adresser à quelqu'un ou que je lui écris un mail tout en majuscule, bah, premièrement, c'est à peu près illisible, donc c'est absolument pas recommandé sur le plan typographique et en plus, c'est extrêmement agressif par rapport au code de la netiquette, c'est-à-dire par rapport aux normes qui se sont développées peu à peu dans la façon de s'exprimer sur le numérique. Donc on va s'adapter à des contraintes, on va aussi développer des interactions qui vont faire en sorte qu'on va développer une identité sociale, comme on l'a déjà vu, et donc on va jouer avec plusieurs phénomènes qui sont la mimésie, c'est-à-dire qu'on va reproduire ce que font les autres, comme on le voyait la semaine dernière, mais aussi l'altérité qui vont faire qu'on va se distinguer, on va vouloir aussi exister en tant que personne à part entière avec ses propres valeurs, ses propres façons de faire. On va donc négocier entre ce qu'on reproduit, ce qu'on fait comme les autres, et ce qu'on va faire de façon nous originale. Donc on va essayer de négocier aussi dans ces ces espaces numériques, un équilibre entre nous, donc un espace collectif, public, et le jeu, donc l'identité individuelle. Et cet équilibre entre le nous et le jeu, entre le collectif et l'individu, c'est ce qui permet de faire en sorte qu'il y ait une vie en société qui est possible. Et je finirai là-dessus et pour garder la dernière diapositive pour la semaine prochaine, mais cet équilibre entre le nous et le jeu, vient notamment en fait de, d'un auteur qu'on reverra dans les prochains cours dans les dimensions plus politiques, qui s'appelle Norbert Elias et qui a notamment travaillé sur cette idée que une société s'est composée d'individus et que donc c'est pas forcément une masse indistincte quand on parle de la société belge par exemple, c'est pas juste certaines, c'est pas les mêmes valeurs pour tout le monde, etc. Et donc ce qui fait en sorte qu'il parlait de la société des individus et que quand on s'intéresse au numérique, on peut appliquer justement cette réflexion-là sur le fait que donc il y a un effet, il y a de fortes incitations collectives, il y a des injonctions, il y a des tyrannies selon Cicéron, mais il y a aussi des expressions individuelles très fortes et beaucoup de liberté pour ces expressions. Donc, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, on va rentrer dans des dimensions plus de communication politique. On verra, en fait, je vous avais demandé aussi de réviser le texte de Lorraine pour aujourd'hui à partir des questions. Gardez vos notes sur ces questions-là, on va les discuter plutôt dans la dernière séance de cours qui précédera la période des questions sur l'homme-document, en fait, donc en lien avec notamment le design de l'interaction. Donc gardez vos notes, vous aurez à les ramener en fait pour la discussion qui aura lieu dans ce cours-là. Pour la semaine prochaine, donc, on rentre dans plutôt la communication politique sur les médias sociaux. Si vous avez des questions sur le TP, sur le travail d'équipe qui est à rendre le 31, vous pouvez toujours aussi nous écrire, nous envoyer vos questions par mail. Et sinon, bonne fin de journée et bon week-end. Je dois voir Laura sur qui il y avait deux autres.